crois que c'est bon. Là, c'est bon, là, non ? Dangereuse pour qui veut trop vite arriver. Venez tant sur le bitume comme une cigarette. Allume. Gagner du temps sur le bitume, et c'est une vie qui se consume. Ces figurines sur le bas-côté pour rappeler qu'il faut lever le pied. Tant de sourires se sont figés dans des virages mal négociés. Sème le doute et c'est nous remettre en question. Abus d'alcool, inattention, à chaque accident ses raisons. La route parfois sème le doute et c'est nous remettre en question. Se montrer cruel. Ce n'est n'est pas l'homme qui prend la route, mais la route qui prend l'homme. La route est longue, toujours très longue. La route est longue, toujours très longue. La route est longue. Parfois, elle peut briser en quelques dixièmes de secondes. Quelques dixièmes de secondes, ceux qui se croient toujours arrivés. Sur Terre, j'arrête de me plaindre, il y a des gens qui souffrent vraiment. Merci Phil. A plus tard dans l'après-midi, moi j'aimerais voir, en fait, de toute façon je vais glander pendant 3 jours. Alors. A plus, tout le monde. Bye bye, Klaus.